De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Et nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages en compagnie de Noémie. Bonjour. Bonjour Yves. Noémie, on rappelle que tu es facilitatrice relationnelle. Oui. Ça veut dire quoi, facilitatrice relationnelle? Alors, c'est le nom de métier que j'ai choisi pour mon métier qui n'existe pas officiellement. C'est-à-dire que je vais accompagner les gens à mieux se connaître, à mieux rentrer en connexion avec eux-mêmes pour mieux communiquer ensuite avec les autres. Donc, l'idée générale, c'est la gestion de conflits et par l'outil de la communication non violente principalement. Mais voilà, je propose des formations, des ateliers, mais aussi des accompagnements pour les parents, les couples ou toute personne qui veut évoluer dans la communication avec lui-même et avec les gens autour de lui. Et chaque semaine sur Fadjet, tu nous proposes cette chronique justement pour creuser un peu, découvrir les termes. Et aujourd'hui, on va parler d'un terme qu'on n'a pas forcément envie de connaître dans son quotidien, c'est la violence. La dernière fois, on avait parlé d'agressivité. C'est important pour moi de vous aider à clarifier les nuances entre agressivité, violence, conflit. Et donc là, j'aimerais qu'on creuse un petit peu cette notion. Alors la violence, première idée qui me vient, moi, c'est la violence physique. Oui, tout simplement. Souvent, on pense en premier aux coups, par exemple. Mais c'est vrai que la violence, elle existe aussi sous d'autres formes. Par exemple, à quoi tu penses si on sort déjà de l'idée de taper? Ça peut être des insultes. Des mots blessants. Et des fois même le fait de crier, même si ça ne contient pas une insulte, ça peut être quelque chose de violent. Mmh. Et des fois, même si on ne crie pas, on peut subir une forme de violence quand on ne crie pas. Est-ce que tu penses à autre chose aussi? Dans le regard, dans l'attitude qu'on peut avoir. Ouais, voilà, il y a le langage corporel qui peut dégager des fois. Alors ça, c'est peut-être plus de l'agressivité. Et des fois, même si je ne crie pas, même si je parle doucement, je peux avoir des parents hyper violente pour l'autre quand je vais l'humilier, le rabaisser, me moquer de la personne en fait. Et des fois, même sans mots, t'as dit effectivement les regards, mais il y a aussi le fait d'ignorer quelqu'un, de faire comme si quelqu'un n'existait pas, l'exclure d'un groupe par exemple, ne pas prendre en compte la personne et ce qu'elle ressent. Donc c'est important pour moi de faire connaître ces nuances-là et d'en prendre tous conscience parce qu'en fait, la violence c'est des attitudes. C'est des comportements et c'est des paroles qui ont pour conséquence la souffrance, la blessure, la négation ou la destruction d'une personne. Et ça peut être lié à un processus de domination, c'est-à-dire qu'en réalité, si on y réfléchit bien, on a tous été violents un jour ou l'autre envers quelqu'un et des fois même envers soi-même. Mais parfois, on peut être violent même sans s'en rendre compte. C'est ça que je trouve important qu'on dise aujourd'hui. C'est que des fois, dans notre mode éducatif, dans notre couple, au travail, envers les collègues, ça peut tous nous arriver d'être violent. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant à ce que ressent l'autre. En fait, c'est la violence, elle se définit par qu'est-ce que ça fait à l'autre que je dise ça ou que je fasse ça. Quel est l'effet sur l'autre? Et ça, c'est ça qui fait qu'on va dire l'acte est violent ou pas, en fait. C'est pour ça que c'était important pour moi aussi de parler de la notion de consentement aujourd'hui avec toi, parce que souvent on le met dans le cadre sexuel ces derniers temps. Mais en fait, le consentement, c'est être vigilant à l'autre ce qu'il veut et à vérifier chez l'autre ce qu'il veut, s'il est OK, pas OK. Donc des fois, imposer une décision dans un couple sans en discuter ou prendre l'habitude d'imposer des choses sans être dans le dialogue et dans l'écoute, c'est de la violence. Et c'était important pour moi qu'on commence à en parler parce que la semaine prochaine, c'est la journée sur les violences conjugales, le 25 novembre. Et donc, je vais faire une séquence un peu plus axée là-dessus. Eh bien, nous en reparlerons la semaine prochaine alors. D'accord, merci Yves. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.